DS Chérie FM 100.9. Artisans, commerçants, entrepreneurs, collectivités locales, futurs annonceurs. Avec Chérie FM, mettez tous les atouts de votre côté. Vous voulez faire passer une information claire et instantanée sur vos produits, vos services, vos opérations promotionnelles ou acquérir de la notoriété? Quels que soient vos besoins, contactez-nous. Car chaque jour, comme vous, des milliers d'auditeurs écoutent Chérie FM. Contactez notre service commercial au 03 83 31 25 87. Du lundi au vendredi, écoutez Chien et Chat pour les aimer longtemps. Connaissance des races, conseils vétérinaires, interviews de personnalités, actualités culturelles. Chaque jour, apprenez à mieux connaître les meilleurs compagnons de l'homme pour les aimer longtemps. Je m'appelle Rex. Royal Corgi. Sa Majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Pour avoir mordu le président des États-Unis. Je crois bien que ceci est à vous. Ordre à vue. Rex va devoir affronter les dangers des rues de Londres pour retrouver les faveurs de la reine. Bravo! Royal Corgi, avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide et Chaim. Cinéma, avec Chérie. À Flavigny-sur-Moselle, jusqu'au 23 décembre, venez choisir votre sapin de Noël présenté sur pied dans une sapinière reconstituée. Découvrez une grande variété de sapins en provenance de France. Livraison gratuite à domicile à voir sur place. Rendez-vous à Flavigny-sur-Moselle, direction Nancy, ouvert tous les jours jusqu'à 20h. La sorcière de Portobello. Est-elle sorcière? Elle va vous apporter un bonheur comme vous n'en avez jamais connu. La sorcière de Portobello. Le plus puissant, le plus envoûtant des romans de Paolo Coelho. La sorcière de Portobello de Paolo Coelho. Chérie FM, toutes vos musiques préférées. In this bed where I read, I'm but I still have found what I'm looking for. Children waiting for the day they feel good. Chérie FM, Pop Love Music. Vous voulez connaître le titre de la chanson, le nom de l'interprète? 03 83 31 25 87. Le numéro du standard de Chérie FM. À la place Stanislas, vous écoutez RDS Chérie FM Nancy 100.9. Maintenant, Chérie FM vous offre la plus belle musique. La plus belle.